pose là la machine. Je me crois seul, comme la plupart de nous tous, sauf si t'as un jumeau. Quand ils se reparent ensemble, on est toujours seul dans un cercueil. J'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, c'est ma vérité que je viens partager, des fois c'est ma rage crachée. Je suis là pour parler aux refs d'ici ou d'Afrique, aux frères d'Hermie du rêve qu'on appelle Amérique. À ceux qui ont connu la faim, la soif, l'envie d'une paire de Nike classique. Sans pouvoir se l'acheter, yank les yeux pour les matelés. Encore qu'on n'est pas si mal loti ici en France, on vit pas dans des favelas et ça c'est déjà une chance. Mes textes posés que écrits sentent bien le bitume, parce que je te parle de ce que je ressens, ça mon album rap de bonhomme. Droit vers le but, pas de petits mots, j'ai le mort. Pleurer mon ref, gros de poteau. Accident d'automoto, suicide, meurtre, gueux de. Je veux les faire revivre dans mes démos, les placer comme des héros. Voilà l'engin qui veut le monde parti de rien. Sans respect pour ceux qui le méritent, même si c'est pas bien, je les crèverai bien en chemin. Je veux pouvoir en placer une pour la jeune femme que j'aime. Avant que la lumière s'éteigne, dire maman je t'aime, c'est fini les peines. Je veux niquer dans le showbiz, je veux que ma musique s'exporte, pire que le sport. Je veux niquer en export, diriger mon sort, péter le displat. Je veux rester optimiste et pas de filer le blues. Je suis gentil mais pas une tarlouse. Chacun devant sa porte, se doit ton sa blues. Tout ça pour dire que je tendrai jamais la joue. Dans le peura comme dans ma vie, je me tape tous les rejoues. Des fois je gagne, des fois je perds, en tout cas je lâche pas le bout. Je laisse parler mon cœur et les rumeurs, je m'en fous. C'est juste la vie d'un mec qui se tape, qui lutte, qui se démène. Avec de l'amour, de la joie, de la haine, de la tristesse, bienvenue dans ma matrice. Y'en a pour toi, pour elle ou pour vous. J'ai posé ma voix de barre, j'en ai en large pour vous. Je sais que j'en aurais jamais trop dit, ni que sa mère Léon dit. Que ça passe ou ça casse, fait comme à l'époque, ni que sa mère l'a passé le cap des TSI. Et j'ai pas fini, comme à la Tessie, jusqu'à la mort, tant que c'est pas fini. Jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini. Ça ne fait que commencer, jusqu'à l'infini, ça ne fait que commencer. Basta morphose, là la machine, là la machine. Basta morphose, là la machine, la machine. Basta morphose, là la machine.